ma Ferrer, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, mais c'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Hey, tu peux pas changer, tu m'avais dit que tu changerais peut-être ouais, de musique. Ouais, ouais, tu m'avais vendu un truc qui me plaisait ouais, bien d'ailleurs. Et en fait, j'ai pas fait, j'ai autre chose à foutre déjà, parce que j'ai une vie privée. Ouais, mais celui dont tu m'as parlé, non, très non, bien. Non, mais j'ai pas commencé à faire chier. Pas mal. Là, tout à l'heure, c'était Fred, maintenant c'est Julien. Non, mais Daniel, même malade. Tu sais qu'on peut se poser des questions, on peut poser des questions sans être chiant. Daniel a l'air très fatigué, pourtant, tel le pitbull avec 42 fièvres, il lâche pas sa proie et c'est beau. Respect, il y a des gens, la maladie, les fatigues, tu vois, voilà. Non, c'est très fort, Daniel. Ah ouais. On a appris des trucs extraordinaires comme quoi il y avait Lionel Messi à Angers. Et moi, vu mieux. J'ai vu sur une feuille de match, il y avait Will Thorn à Nantes. Mais c'est le vrai, lui. Quand même un peu plus triste. Lens-Nantes, d'ailleurs, superbe match. Alors, j'ai cherché un nom pour Lens-Nantes. J'avais pensé au Nostalgico, parce que visiblement, ces deux équipes. Non, c'est mais, le. Non. Si, ça va. Non, parce que il y a le La Fin des Haricots, aussi, parce que je pense qu'on a. Ou alors le J'attire les Asticots, qui est vraiment à la fin de la fin, là. C'est quand vraiment qu'il y a. T'as vu les stats, non, du match? Hein? Je crois que. J'ai cru que c'était le score. Oui, non, c'était le score du match. C'était le score des stats? C'était les occasions. Deux occasions à une. Deux occasions à une. C'est pas mal. C'est. Bah, ça prouve qu'elles ont encore le niveau de la Ligue 1, hein, comme quoi, tu vois. C'est ça. Lyon, ça va mieux. Ça va mieux depuis que l'entraîneur s'est calmé. Vous savez, leur entraîneur, là, Rémi Gaillard. C'est en disant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et ben c'est en disant n'importe quoi qu'il vient n'importe qui, mais depuis qu'il dit plus rien, Rémi Gaillard, ben ça marche mieux son équipe, comme quoi tu vois, c'est pas mal. Pour Daniel, Pescara et Barry jouent mieux que chez nous. Non, alors, Pescara, j'ai pas parlé de Barry. Ah t'as pas parlé de Barry, bon ça tombe bien parce que. Mais Pescara, oui. Pescara, c'est quand même une bande d'abrousis, ils vont pas nous apprendre la vie, hein, c'est ça. Des abrousis, c'est comme ça qu'on les appelle. Non. Abruzzi. Mais c'est vrai qu'elle était très bonne. Abruzzeschi. Ah, bon, voilà. T'as de la chance. Et tiens, bah, vu qu'il est là, il était pas là tout à l'heure. Tiens, Didier, tu tombes très bien. Non, c'est justement. Non, c'est bon. Je veux juste qu'il me réponde oui. Je veux juste qu'il me dise oui. Est-ce que tu es d'accord pour qu'un soir, comme on a fait pour Bielsa, on fasse une spéciale Zeman et que tu nous parles de ce qu'il est en train de faire? Bon, bien sûr. Voilà. Merci. Olivier, t'as un message à passer? Tu m'inviteras pas. Ce jour-là, je veux pas être présent. C'est pour pas parler grave. De Pescara, j'en ai rien à foutre. On parlera de Zeman et de ses stats et de sa philosophie de jeu. Donc, merci Daniel. Donc, Daniel, tu critiques Toulouse, mais je tiens quand même à te rappeler que Toulouse a quand même marqué 31 buts en 30 matchs. C'est presque aussi bien que Cristiano Ronaldo et que Hugo Sanchez à la grande époque. Donc, si Toulouse était un joueur, il aurait des super stats. C'est con, c'est un club. Mais bon, en tant que joueur, c'est hyper bien. Pour ça que moi je pense qu'il devrait arrêter d'être un club. Ça devrait être un joueur de foot, le Toulouse FC. Parce qu'ils auront, avec tous les joueurs que t'as, tu peux presque faire un bon joueur. Et ça, c'est quand même pas mal. Tu peux même gagner la Ligue des Champions. Après, non, j'en ai quelques-uns. Dido, j'aime bien, par exemple. Mais moi, Etienne Dido est un très bon choix. D'accord, on en a trouvé un. Donc c'est quand même pas mal. Alors, et Leonardo, je vais quand même faire un gros focus sur Leonardo qui a quand même trouvé le bon moment pour donner des leçons à la Ligue 1. C'est vraiment le bon moment. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie, je pense qu'on n'avait pas vu aussi fort depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Chirac. Le choix de Patricia Cass à l'Eurovision ou le départ de Gilbert Bribois à Europe 1. Ce qui était à ce qui en termes de stratégie, ça se fout à peu près. Alors, le départ ou le retour? Le départ ou le retour, Julia? Je sais pas, le retour foireux, le départ manqué, ben, je sais pas. C'est... Même Nissan Gemma n'a pas osé la faire, mais bon. Paris enchaîne, en attendant, Paris enchaîne ses matchs pourrables. Jaloux. Alors c'est vrai, parce que lui, Leonardo, bon, ça sert à rien de faire des taureaux à l'entraînement, mais je veux dire, ça sert à rien de faire les bourricots pendant les matchs non plus, hein, ça marche pas mieux. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en conférence de presse, au lieu de faire le pan, il ferait mieux de faire la carte de temps en temps, Leonardo. Du coup, ça lui éviterait de passer pour un pigeon. Alors, Leonardo, parce que moi, le problème de Leonardo, c'est pas ce qu'il dit, Daniel. Moi, je suis d'accord. Le problème, c'est que le mec, il vient dîner chez toi, et c'est le mec qui balance. Dis-moi, ta femme, elle a pas un gros cul, parce qu'il faudrait qu'elle arrête de tremper les michocos dans le Nutella. Alors, donc, c'est vrai. Faut reconnaître que Solange, elle a un peu pris depuis quelques temps, et que dans un remake de La Vache et le Prisonnier, elle ferait pas forcément le prisonnier. Mais bon, ça fait quand même chier de l'entendre de la bouche d'un espèce de playboy de banquet s'appelant De Fursac. Non, parce que Leonardo, c'est facile, ok, sa femme, elle est pas grosse, mais elle a aucun mérite, elle botoxé et liposucé. C'est une métaphore footballistique, évidemment. Hein. C'est pas la différence de... Lui, Olas, au moins, il critique pas ta femme. Lui, il vient, il lui dit, putain, là, un boule de compète, ta meuf, pas venir dans mon pavillon faire une soirée privée. Je dis ça pour Boudbouze et oui, Marvin Martin. Ouais, donc, je voulais quand même dire à Leonardo que la Ligue 1 lui a donné cette réponse en live. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon vin. Merci, c'est gaz, la Ligue 1. Bah, ils n'ont pas de pétrole en plus. La Ligue 1 a eu exactement une réaction aussi con qu'une chanson de Michel Sardou. Alors là, alors tu peux critiquer pas qui Michel, tu veux. Pas tu peux Michel. Insulter De Gaulle. Tu peux insulter Jaurès, mais tu touches pas à la France. D'accord. Michel. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Même Daniel soutient pas Michel Sardou, ça va quand même sortir aussi. Hein. Non. Alors, dans la série des rois de la com, parce qu'on est toujours dans les rois de la com, bon, la chanson, le clip, je sais pas si vous avez vu le clip des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont dit, allez, on n'est pas assez passé pour des cons sur le terrain, on va faire un clip. Mais c'est super sympa. Mais c'est super sympa, ils font la tronche. Tu l'as vu le clip? Bah évidemment. Ça donnait ça à peu près. Allez, Paris Saint-Germain, allez, on va au Turbin, allez, il faut pas qu'on craque, allez, donne-moi du Prozac. Merci. Non, c'est de la chambre de Ratos, parce que c'est pas vrai. T'as vu la tronche de Yundula, tu sais, t'as vu la tête de Gamero, okay, c'est sur Facebook, si vous l'avez vu. T'as vu la tête d'Alex, c'est pas vrai. Je te mets au défi qu'on regarde le clip et on compte le nombre de mecs. Ils parlent pas bien. Et on est à 80. Non, de toute façon, le problème, on c'est à 80. Non, c'est du chambrage gratuit. Cette chanson n'est absolument pas c'est adaptée. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais c'est honteux parce que le problème, c'est que c'est comme pour l'entraînement. Il faut pas faire une chanson pour tout le monde la même. Faut une chanson par joueur, adaptée à chaque joueur. Par exemple, pour Jérémy Ménez, j'avais pensé à ça, moi. Je cours et me sens toujours tout seul. Même si je ne comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Je cours tout seul. Merci. Bravo, alors, quel bon exemple, choix. Mais quel bon choix. Attends, Momo Sissoko, par exemple, lui, il aimerait bien avoir ça. J'avais un marteau. Hey, tu sais que ce que tu fais, c'est Olivier Lejeune, le faisait au début des années 80. Mais ça tombe bien, la vie va être au commencement. Olivier Lejeune. Est-ce que tu fais qui se Olivier de Lejeune, Lejeune il y a 25 ans monsieur. Ouais, mais tu sais qu'on se souvient d'Olivier Lejeune. Ouais, mais en mieux. Tu sais, et des disques où il faisait ça. Là. Tu sais ce qu'on dit, non? Copier mais jamais égaler. Voilà, c'est ça. Et n'empêche que vous avez oublié qu'il y avait aussi un mec qui mérite quand même sa chanson. C'est, celle-là, c'est pour Philippe Auclair. C'est Siaka Tiené. Les bilingues auront compris. I just can't control my feet. Je ne peux juste pas contrôler mes pieds. Et la dernière, pour Peggy Loyendula, comme un cri du cœur. C'est parti. Non, c'est pas du tout le bon moment. Et en même temps, c'était trop beau. C'est pas du tout ça. C'est pas grave. On la mettra la semaine prochaine. C'est raté. Bravo, Paul. C'est pas grave. C'est pas la faute de Paul. C'est la faute à pas de chance. On va passer. On la fera la prochaine fois. Enfin, en tout cas, le PSG, moi, le problème du Paris Saint-Germain, c'est que j'ai un peu l'impression, quand je regarde les matchs, que alors ça domine, ça tire la balle, ça tourne autour de la surface, ils essayent jamais d'entrer dedans. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester 30 heures devant sans tirer une seule fois, on dirait les mecs du Raid. C'est l'équipe qui a le plus marqué dans la surface. Non, mais je me demande si c'est pas Claude Guéant, le coach de cette équipe, parce qu'ils restent à l'entrée, mais ils veulent pas entrer. Ça veut ça. Carrosso, Planus et Siani, sortez immédiatement. Non, on est bien, nous. Vous sortez, on vous dit, c'est le dernier avertissement. Non, merci, c'est gentil, mais on va rester, nous, on est bien. Si vous sortez pas, on tire. Avec qui? Pastore et Néné, ils tirent en l'air, c'est des sommations, ça, c'est pas dangereux. Ok, alors vous le prenez comme ça, alors on envoie Guillaume Aron. Pas les mecs, ils veulent envoyer Aron. Chef, là, ils disent qu'ils veulent pas sortir. Ah, je suis pas contente. On a qu'à passer par l'entrée, l'autre entrée à côté. Non, mais sur les côtés, c'est l'adjudant Tiené, là. Il risque de faire des dommages collatéraux, là. Putain, mais comment ça se fait qu'il y ait un adjudant qui fait le raid? Ben, faut demander ça à l'ancien chef du service, là, le Canac. Là, c'est lui qui l'a recruté quand on était un GIGN, un groupe d'individualité de gamins nombrilistes. Ouais, mais ça, maintenant, on est plus le raid, là. On est un ramassis d'abrutis incapables de discipline, là. Je suis pas contente. Alors le résultat, ben, c'est que Leonardo, il s'est pris pour un autre, ce prétexte qui vient du Calcio, il va pas nous donner des leçons. Non mais il croit qu'en empilant les Rital, c'est un gage de réussite. À RMC, on est une radio qui gagne, on n'a pas besoin de ces macaronis, on a des vrais Français. François Pesanti, François Giuseppi, Vincent Moscato, Daniel Rigolo, Daniel Rigolo, Fabien Agostini. Bon, en fait, c'est déprimant. Mais vers ça, quelque ça, quoi. Non, mais je suis en train de me rendre compte que notre plus grand comique, c'est Michel Cocci, que notre plus grand footballeur, c'est Michel Platini, que le plus grand sculpteur c'est Bartholdi, le plus grand jazzman c'est Petrucciani, le plus grand acteur c'est Belmondo. Vous me direz, lui au moins c'est un vieux. Mais le problème c'est que même les jeunes, quand c'est les meilleurs, Yves Montand, on leur donne un César. Non, heureusement il nous reste. Pour finir, je voudrais quand même dire qu'heureusement, il nous reste le Louvre et la Joconde de Léonard de Vinci. Donc, donc c'est assez déprimant tout ça, mais je voudrais quand même finir en chanson sur un joueur qui fait le bonheur du top 50 et un petit bordelais très sympa à qui je voudrais rendre hommage, une chanson très courte. Allez, c'est parti! Un nonchalant, mais non pas charlatan, mais trop chalant quand on l'attend. Tes états d'âme sont pour moi certiques, loin de ce que ça fait de susique. Quand ton langage se veut poétique, le pathétique vire au comique. Et là tu rames dans ta dialectique, dans un désordre alphabétique. Si t'es un drame, quand tu parles certique, quand tu joues c'est moins dramatique. Oui, certique. Merci, bonsoir. Bravo, bravo. Le quiz dans quelques instants, reste par là toi. Tiens, tu vas faire le quiz avec les autres là. Bougez pas, il y a une télé à gagner. Qui ça? Non, pas vous. Le vent de l'âme. À demain pour la Ligue des Champions. Trop compliqué. Coucou Chepanier. Non, mais restez, vous restez pour écouter. Mais si je fais jouer tout le monde, ça va être ingérable. Ça va, Gilbert. Moi, comme d'habitude. Ouais, bonsoir. Alors, pas un truc à dire. Allez, à tout de suite pour le quiz. Bon, je t'embrasse. On revient dans quelques instants. Ça va.